Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Éclat de lumière, l'émission culturelle du magazine Lumière en art, tous les deuxièmes jeudis du mois à 17h sur Fadjet. Ce mois-ci, et si nous lisions ? Ça fait un bon moment qu'on n'a pas parlé littérature dans cette émission. Avec notre invité du jour, je vous invite à un voyage littéraire à la découverte de l'ailleurs. J'accueille ainsi Ridouane Atif, président de l'association Diwan, qui organise donc cette nouvelle édition du Livre d'ailleurs à Nancy, un festival littéraire dédié donc à l'Afrique et à l'Orient, et qui alterne entre les deux continents. Cette année, cap sur l'Afrique. Bonjour Ridouane. Bonjour. Avec moi pour parler donc dans cette émission, j'accueille nos deux chroniqueurs, l'infatigable, l'indétrônable Gilles, qui viendra nous parler un petit peu des actualités de l'émission Lumière en art, mais aussi et surtout donc de parler un petit peu du magazine papier hein, qui va sortir bientôt avec plusieurs événements à la clé. Et pour parler de ces événements, évidemment, je peux compter ce mois-ci sur Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour tout le monde. Qui viendra donc nous parler un petit peu donc de son actualité et de son exposition qui est actuellement en cours au moment où on enregistre. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Je vous rappelle également que vous pouvez donc réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur le site de Fadjet et sur nos réseaux sociaux. Les deux Facebook, l'Instagram, Lumière en art, et le TikTok hein, qui est alimenté depuis récemment, le TikTok Lumière en art. Je vais commencer donc la première partie de cette émission avec, vous en avez l'habitude, donc la partie qui s'intitule « Le spectre des invités ». C'est l'heure du spectre des invités. Alors Ridouane, on va commencer un petit peu à faire connaissance avec les auditeurs de Fadjet. Alors je vais commencer simplement. Nom, prénom ? Atif, Ridouane. Quelle est votre profession ? Je suis architecte du système d'information. Et alors, quelle est un petit peu donc la raison, on va en reparler dans cette émission, donc parlez-nous un petit peu de la raison donc, de cette venue à Fadjet et dans l'émission Éclat de Lumière. Donc pourquoi est-ce que vous êtes là ? Pour quel événement êtes-vous présent ? Donc je suis à Fadjet pour donner un peu de lumière au festival Livre d'ailleurs, qui aura lieu du 26 au 29 mars à l'Hôtel de Ville à Nancy. Est-ce que vous pouvez nous citer un petit élément d'inspiration, quelque chose qui vous inspire dans votre quotidien, une musique, un film, qu'est-ce qu'un livre aussi, puisqu'on va en parler longuement dans cette émission. Qu'est-ce qui vous inspire dans le quotidien, Ridouane ? Ce qui m'inspire dans le quotidien, c'est ce qui peut me surprendre, c'est-à-dire quelque chose dont je ne suis pas habitué, parce que ça permet de décaler les regards. Mais pour l'instant, comme on est dans le festival Livre d'ailleurs, donc il y a certains livres que j'ai lus, le dernier, c'est Le ciel carré de Mohamed Serifi Villard, qu'on accueille, c'est l'autobiographie d'un détenu politique au Maroc qui était emprisonné et compagnon de route d'Abraham Serfati. Merci beaucoup. Et enfin, où est-ce qu'on peut un petit peu vous retrouver ? C'est le moment pour faire votre pub. Instagram, les réseaux sociaux, le site. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver et retrouver aussi le festival Livre d'ailleurs qui se rapproche ? Alors, on a deux sites. On a le site de l'association Diwan en Lorraine. Donc, et puis, on a le site Livre d'ailleurs. On a les pages Facebook qui correspondent à Diwan en Lorraine, Livre d'ailleurs, et Instagram. Donc, voilà un petit peu où on peut nous retrouver. Et sinon, notre siège social est à la MJC Lillebonne. Où on peut donc vous retrouver pour discuter un petit peu de ce festival et des événements à venir, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc on a opté dès le départ d'être dans un lieu d'éducation populaire avec tout le monde dans les structures de la ville et donc on est à la MJC Lillebonne. Merci beaucoup pour cette petite présentation. On va se retrouver dans quelques instants pour évoquer ensemble donc ce festival, hein, le livre d'ailleurs, évoquer les invités, les principales conférences, les événements qui vont avoir lieu donc à la fin du mois de mars dans notre belle ville de Nancy. Mais je vais vous laisser avec un premier morceau, c'est un morceau coup de cœur de Lumière en art. Il s'agit donc du dernier album de Gorillaz, un album qui nous invite à un voyage spirituel au cœur de l'Inde. Il est sorti tout récemment, ça s'appelle The Happy Dictator. On se retrouve dans quelques secondes sur Fadjet, à tout de suite. C'était donc Gorillaz avec The Happy Dictator, issu de leur dernier album, très bon album, dont je vous recommande chaudement l'écoute. Alors on va rentrer un petit peu donc dans le cœur, dans les pages du sujet, si j'ose dire, de cette émission Éclat de Lumière donc du mois de mars, où Ridouane Atif nous accompagne donc pour évoquer cette nouvelle édition donc du livre d'ailleurs. Et j'aimerais commencer, Ridouane, par vous demander très simplement comment et quand finalement sont nés cette belle initiative culturelle qu'est le livre d'ailleurs. Comment est-ce que c'est né? Quand est-ce que c'est né? Faites-nous un petit peu l'historique donc, de cette très belle manifestation dans CN. Alors, l'étincelle vient de 2019, novembre-décembre 2019, où nous faisons avec nos amis des associations France-Syrie Entraide et l'Association des travailleurs maghrébins de France et la MJC Lillebonne, le premier salon du livre du monde arabe. Et donc, ça avait lieu à la MJC Lillebonne. Et puis après, il y a eu la période Covid. Ensuite, nos amis ont continué à développer ce format. Et nous, nous avons souhaité avoir une aire géographique plus importante. Et donc, c'est là qu'est né Livre d'ailleurs, dont la première édition a eu lieu en 2022. Et donc, où on a décidé qu'une année, on allait traiter l'Afrique, mais toute l'Afrique, arabophone, anglophone, francophone, lituanienne, et donc ce qui augmente le challenge, puisqu'il faut que les faire livres venir soient des auteurs de partout. Voilà, il faut que les livres soient traduits, il faut des interprètes ici, des traducteurs, et une autre année, Orient. Donc, depuis, c'est devenu un rendez-vous attendu par le corps enseignant, puisque les auteurs qui viennent, ils vont intervenir dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, à l'université, dans les maisons d'arrêt, avec les associations de quartier, les médiathèques. Et le final, c'est le salon sur 3 jours. Et donc là, on sera à l'hôtel de ville et le public nancéen et au-delà de Nancy pourra venir participer à ces tables rondes et échanger avec les auteurs. Alors on va revenir un petit peu justement sur le lieu donc, où tout va se dérouler, où vont se dérouler à la fois les conférences, les dédicaces de ces différents auteurs et de cet événement. Donc cette année, puisqu'on a bien compris qu'il y avait une alternance entre l'Orient et l'Afrique, pour cette 5e édition donc, qui se tient, je rappelle, entre le 26 et le 29 mars, on se tourne cette année vers l'Afrique, avec une présidente qui est d'origine mauricienne, Ananda Devi, qui est une romancière à succès, qui a été couronnée par de très nombreux prix littéraires, le Fémina des lycéens 2021, le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française de l'Académie française. Alors tout simplement, Ridouane, Pourquoi ce choix? Pourquoi pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette présidente, sur son œuvre, sur ses thématiques et pourquoi est-ce que cette année, donc, c'est Ananda Devi qui présidera cette cinquième édition du livre d'ailleurs? Donc, c'est un choix, un coup de cœur de nos conseillères de programmation. Donc, ils nous l'ont proposé et on a signé des deux mains parce que Ananda Devi est une grande dame de la littérature. Donc, premièrement, ça permettait de dire que l'océan Indien fait aussi partie de l'Afrique, donc l'île Maurice. Elle a développé des écrits dans plusieurs genres, le roman, les essais, les nouvelles, la poésie. Elle écrit en créole mauricien et c'est une dame qui fédère autour d'elle. Et donc, ça s'est imposé de lui-même, ce choix-là. Naturellement, j'ai envie de dire un petit peu pour cette édition. Alors, j'ai repéré plusieurs autres noms dans la programmation. On en a discuté un petit peu aussi hors micro. Parmi les noms donc, qui ont été annoncés, on a quand même des noms prestigieux, comme par exemple Gaëlle Octavia, qui a été... Goncourt de la Nouvelle 2025, qui est originaire de Martinique, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, et c'est le coup de cœur quand on invite, invite une présidente ou un président, on leur laisse le choix de deux invités, elle en a invité deux, donc Octavia est une invitée de Madame Ananda Devi, ainsi que Bessora, et donc ce qui nous permet, dans cette première édition d'Afrique, de nous ouvrir à la Martinique et à la Guadeloupe, qui sont historiquement rattachés à l'Afrique de par la population, de par la culture, de par les échanges entre Aimé César et Léopold Sédar Senghor. Donc voilà. Donc on aura une autre personne de la Guadeloupe, donc Tiwande, et qui lui est bédéiste. Et lui, on doit ce choix-là à notre conseillère littéraire BD qui est Joël Epemandingue, et qui est la fondatrice du Bilili BD Festival de Brazzaville, le premier, le plus grand festival de bande dessinée en Afrique. Alors, ce qui est intéressant quand on vous entend parler aussi, c'est cette organisation, j'ai envie de dire, du livre d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez donc des conseillers, des conseillères littéraires qui lisent tout au long de l'année les sorties littéraires en Afrique, en Orient, et qui vous disent, voilà, en mars, pour le livre d'ailleurs à Nancy, il faudra avoir ces invités-là. C'est bien comme ça que ça se passe. C'est ça. Donc, depuis le départ, au niveau de Diwan, on fait bien la différence entre le bénévolat, la bonne volonté et la compétence. Donc, la compétence, on va la chercher. Là, on l'a confiée à deux personnes qui sont responsables de maisons d'édition. Toutes les deux, elles appartiennent à l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. C'est 800 maisons d'édition sur 55 pays. Il y a 6 réseaux, le réseau francophone, le réseau arabophone, le réseau anglophone, le réseau lituanien, le réseau persophone et le réseau hispanophone. Et Elisabeth Deldoul, qui est la responsable de la maison d'édition Elisa à Tunis, est la responsable du réseau francophone. Et c'est la seule maison d'édition en dehors de l'Hexagone à avoir gagné un Goncourt, le Goncourt du premier roman. Sa compagne de route, c'est Kenza Sefrioui, qui est journaliste, critique littéraire et responsable de la maison d'édition En toutes lettres à Casablanca. C'est avec ce binôme qu'on a construit Livre d'ailleurs, et ensuite se sont rajoutées une conseillère spécifique pour la jeunesse, parce qu'on veut développer le rayon jeunesse. Oui, j'allais en parler pendant sur cette édition-là. Oui. Et le rayon bande dessinée, et on est très content d'avoir avec nous depuis le début donc les libraires de Nancy, avec l'autre rive, le hall du livre, la librairie Didier et la parenthèse. Cette année, suite à un décès, le hall du livre ne sera pas des nôtres, mais il est toujours parmi le groupe historique de livres d'ailleurs. Donc un partenariat et une édition, petit lapsus, qui englobe un petit peu Nancy dans sa globalité. Alors j'aimerais aussi, puisque je manque un peu à mes devoirs en tant que présentateur, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association qui est à l'origine du livre d'ailleurs, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est au centre de ce festival, c'est l'association Diwan. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu, Ridouane, nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que c'est que cette association? De quand date-t-elle? Quelles sont ses actions finalement? L'association Diwan en Lorraine a été créée en octobre 2006, donc on va sur nos 20 ans qu'on va fêter bientôt. Très bon anniversaire au passage. Merci beaucoup. Elle fait le constat qu'on a usé nos fonds de culotte sur les bancs de l'université avec des amis de la rive nord et nous étions de la rive sud. Nous connaissons bien la culture du nord et celle du sud et nos amis étaient un peu méconnaissants sur notre culture du sud. Et l'idée, c'est d'avoir la culture en partage. Et donc, la devise de Diwan, c'est la culture en partage. Et celle qui fait le pari que les cultures s'additionnent et ne se soustraient pas. Et donc, elles viennent nous enrichir. Et on a commencé à le faire d'abord sur des concerts. Parce que le concert, en dehors des mots, ça interpelle l'émotion. Et là, il y a une proximité extraordinaire. Des conférences pour donner des clés de lecture sur ces différentes cultures, cette civilisation. Du cinéma, on était en soutien au Festival du film arabe de Famec. Et de fil en aiguille, on est arrivé sur livre d'ailleurs. Et le livre, c'est un beau symbole. Et d'ailleurs, on reprend la devise de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, c'est faire vivre la bibliodiversité. C'est ça qui nous anime. Mais vous voyez bien que c'est plus les valeurs que l'action elle-même. Mais c'est sûr que le livre nous a porté beaucoup plus loin que toutes les actions que nous avons faites avant, qui étaient de vrais moments de joie, mais on avait l'impression que c'était un feu de paille. Alors que le livre, d'ailleurs, il y a une continuité, il y a une suite, il y a des actions qui sont entreprises dans les classes avec les élèves, avec le corps enseignant, et il y a un travail aussi avec les bibliothèques et les médiathèques, et ça donne du sens aussi à Nancy comme ville amie du livre. C'est un très beau parcours, hein, puis on voit quand même le point d'orgue avec le livre d'ailleurs qui est donc un bel aboutissement pour cette association Diwan. Alors on va revenir un petit peu maintenant sur comment s'organise, alors on en a déjà un petit peu parlé, mais sur cette édition donc 2026, comment s'organise ce salon? Quels sont les lieux un peu incontournables à Nancy, à la fois pour assister aux conférences, mais aussi pour rencontrer, discuter avec les auteurs? On a dit donc qu'ils allaient passer dans des classes avec beaucoup d'actions qui sont menées avec le corps enseignant, mais par la suite, pendant le week-end, on va quand même pouvoir les voir, ces auteurs qui viennent pour cette édition, rassurez-moi. Tout à fait. Donc, il y a des rencontres qui sont organisées par les bibliothèques. Donc, il y a une rencontre avec Astrid Diop pour la littérature enfant. Ça aura lieu à la bibliothèque du Plateau de Haye. C'est organisé par les bibliothèques de Nancy et elle sera ouverte au public. Il y a deux rencontres qui seront organisées à Sciences Po. Là, on aura besoin des noms des personnes qui souhaitent assister parce que Sciences Po souhaite avoir la liste avant que les gens puissent rentrer. Et ils ont invité Mohamed Serifi Villard à parler de sa vie en prison. Et ils ont invité Abdelaziz Baraka Sakine, qui est soudanais, à parler de son beau livre. Donc voilà aussi des lieux où on peut voir le salon. Je vous interromps un tout petit instant, on va reprendre, mais c'est simplement par rapport à Sciences Po et à la liste, c'est-à-dire que du coup, il faut s'inscrire. C'est sur votre site, c'est sur le site de Sciences Po? Oui, il faut envoyer un message au site de Diwan pour que nous, on collecte les noms et on les transmet aux étudiants de Sciences Po pour qu'ils les remettent à leur administration. Bien. Bon, très bien. Voilà. Sinon, le salon commence maintenant, comme à notre habitude, par une conférence inaugurale. Ah, on va reparler de cette belle conférence inaugurale. Allez-y. Voilà, qui aura lieu le jeudi 26 mars. Et donc, on a offert cette conférence, cet espace à Benjamin Stora, qu'on avait déjà accueilli auparavant, et là, sur son dernier ouvrage, France-Algérie, anatomie d'une déchirure. Parce que ça nous semble important que les historiens nous éclairent. Ça nous semble important d'aborder des moments d'histoire plutôt que de les mettre sous le tapis, parce qu'il faut savoir se dire les choses pour pouvoir ensuite se projeter et construire des choses en commun. Ouais, c'est une très belle conférence, hein. J'avais moi-même étudié Benjamin Stora à l'université durant mes études et l'historien en moi est particulièrement content et heureux de le voir à Nancy, donc merci pour ça et puis pour sa parole qui est très éclairante aussi sur l'actualité, sur ce qui peut se passer entre la France et l'Algérie. Alors, on a parlé un petit peu donc de ce salon, donc de comment il va se tenir. On voit aussi que cette année, donc vous l'avez un petit peu évoqué, mais le festival a pour objectif de repousser un petit peu les frontières, et notamment avec différents genres littéraires. Il y a beaucoup de récitations de poésie, on a la présence de plusieurs auteurs de BD, de romans graphiques, hein, comme par exemple Gaspard Njok, qui est donc d'origine camerounaise et qui a publié plusieurs romans graphiques, notamment Au-delà de l'exil, pardon, ou Voyage sans retour. On a parlé aussi de la littérature un petit peu jeunesse. Alors pourquoi vouloir un petit peu repousser les frontières comme ça du livre d'ailleurs et ouvrir un petit peu comme ça au public nancéen plusieurs horizons? En fait, quand on repousse les frontières, en fait, on revient sur les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est qu'il y a des invariants qui nous réunissent tous. Ensuite, il y a des particularismes qui sont notre empreinte à nous. Il ne s'agit pas de la gommer, c'est ce qui fait notre richesse et d'être ensemble. Alors, bien sûr, en fonction des difficultés des endroits, il peut y avoir des migrations. Mais vous savez, par exemple, les plus grandes migrations des Africains, elles ont lieu en Afrique, elles n'ont pas lieu vers le nord. Et toutes ces vies-là font que il peut y avoir des tragédies. C'est le roman graphique de Gaspard Njok où il y a des personnes qui sont venues en Europe et elles sont décédées. Comment on fait pour rapatrier le corps dans le pays? Et c'est des choses qui doivent nous interpeller. Et donc, je pense repousser les frontières, c'est se reconnaître un peu dans l'autre. Voilà, et pouvoir tendre la main et comprendre des situations. Merci beaucoup pour ce très beau message. Je vois plusieurs personnes, Jean-François et Gilles, qui acquiescent en plateau par rapport à ce qui vient d'être dit. On va continuer un petit peu à décortiquer ce programme, les invités, les auteurs présents au Livre d'ailleurs du 26 au 29 mars à Nancy. Je vais vous laisser avec un petit morceau pour quelques minutes. On se retrouve tout de suite. C'est le nouvel album de Bruno Mars avec son morceau, le premier titre de l'album qui s'appelle « Risk It All ». On se retrouve dans quelques minutes sur Fadjet. À tout de suite. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything you ask me to. Sure, you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to I wouldn't climb. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine, I'm trying to be your man till the end of time. Take mine. It's crazy, but it's true. There's nothing I want. De retour sur Fadjet, c'est l'émission Éclat de Lumière du mois de mars, l'émission culturelle du magazine Lumière en Art, hein, que vous pouvez retrouver en podcast sur Fadjet, mais aussi sur les réseaux sociaux de Lumière en Art, hein, Facebook, Instagram ou TikTok, ainsi que le site internet. On va continuer un petit peu à faire le tour avec notre invité du mois de ce très beau festival qui se tient, je le rappelle, du 26 au 29 mars 2026, la cinquième édition du festival. Le livre d'ailleurs qui est donc dédié cette année à l'Afrique. Et pour rentrer un petit peu au cœur de cette belle programmation, j'aimerais qu'on aborde l'une des conférences qui m'a le plus intrigué, Ridouane. C'est une conférence qui s'intitule « Nouvelle mythologie » où la présidente Ananda Devi sera présente, ainsi que Bessora et Gaël Octavia, hein, dont on a déjà parlé dans l'émission. Alors qu'est-ce que c'est ces nouvelles mythologies, si vous pouvez nous mettre un petit peu l'eau à la bouche sans trop en dévoiler pour nous donner envie d'y aller, finalement, de nous y rendre. Donc, en fait, les nouvelles mythologies, c'est un coup de cœur d'Ananda Devi. Et d'ailleurs, elle le fait avec les deux auteurs qu'elle a invités. Et donc, ça va plutôt parler autour des luttes contre les enfermements identitaires. Et parce que les identités de chacun sont multiples. Et là, s'il y avait un livre que je conseillerais à chacun, ce serait le livre d'Amin Maalouf, « Les identités meurtrières ». Oui, il dit que toutes les identités sont en moi et je me ressens plus de l'une que de l'autre en fonction de si elle est touchée ou pas. Et je crois que c'est ces paraboles et ces choses-là qui seront dites dans cette table ronde entre Ananda Devi, Bessora et Gaël Octavia. Et ça promet un riche échange de partage très métaphorique et tout à fait symbolique. Ouais, je te voyais qui essayait Gilles à l'évocation de Amin Maalouf. Mmh. Donc ça c'est une conférence, pardon, je manque à mes devoirs en ne précisant pas que c'est une conférence qui aura donc lieu, c'est le vendredi si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Elle aura lieu le vendredi de 18h20 à 19h20. Voilà, tout à fait. Donc, le samedi. C'est le samedi, pardon, excusez-moi, c'est moi. De quelle heure à quelle heure, pardon ? De 18h20 à 19h20, et ce sera à la salle Schaeffer, donc à l'hôtel de ville, entrée rue Pierre Fourier. Ok, donc surtout à ne pas louper l'une des grandes conférences avec la présidente et ses deux invités. Alors, il y a une autre conférence qui m'a beaucoup intrigué quand j'ai eu le programme entre les mains, parce qu'il y en a quand même énormément, hein, que ce soit des invités ou des conférences. C'est une conférence qui évoque la prison et qui l'évoque en ces termes. L'un l'a subi, l'autre l'a étudié. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette intitulée, les invités présents? Je crois qu'il y a d'ailleurs encore la présidente Ananda Devi, c'est bien ça? Oui, donc Ananda Devi a été invité par une association à Lyon à passer une nuit à la prison de Montluc et ça lui a évoqué énormément de choses, notamment les résistants français qui étaient enfermés dans cette prison-là. Elle a eu aussi une pensée pour les enfants juifs qui ont été déportés et donc ça a donné lieu à un ouvrage d'Ananda Devi. Voilà. Et Mohamed Serifi Villard, lui, il a passé plus de 20 ans dans les prisons du Maroc, donc en tant que détenu politique, compagnon de route de Abraham Serfati. Et il en est sorti et il n'a pas écrit d'ouvrage tout de suite. Donc il y a quelques années, plus d'une décennie qui sont passées avant qu'il se mette à l'ouvrage. Et donc, il en est sorti un très beau livre avec beaucoup de retenue. Et c'est ce dialogue entre eux deux qui va avoir lieu donc, dans cet échange et qui aura lieu, lui, le dimanche. Dimanche, tout à fait, oui. Voilà, de 16h30 à 17h30, toujours à la salle Schaeffer, entrée rue Pierre Fourier. Ça promet un échange riche en réflexion. Vous l'avez évoqué un petit peu dans cette émission. Cette année, le livre, d'ailleurs, il a quand même pour objectif de s'ouvrir à de nouveaux publics. Et alors, on a quelques conférences, notamment, je crois, le dimanche matin, pour justement toute la famille, pour petits et grands. Alors, quelles sont un petit peu ces conférences? Quel est le programme, Ridouane, pour que les petits trouvent aussi leur bonheur au livre, d'ailleurs? Donc, on avait l'habitude d'avoir toujours 8 auteurs jeunesse, mais les tables rondes qui étaient faites autour, des fois on mélangeait les auteurs jeunesse avec des auteurs adultes par rapport à une thématique qui est abordée. Là, on a décidé de faire un moment pour les enfants, pour les petits et grands. Et donc, des histoires, des chants pour petits et grands, c'est 3 conteuses avec un magnifique livre, je l'ai eu entre les mains, donc de Astrid Diop, où il y a 10 cantines d'Afrique, donc une du Zimbabwe, l'autre de l'Ouganda, et avec, c'est un livre sonore, vous appuyez, vous avez la chanson, et vous avez, il est extraordinaire, donc ça a été mon coup de cœur, je l'ai acheté, offert à ma petite fille, elle n'arrête pas de danser autour de ces danses-là, donc ça va être un petit moment magique comme ça, où on attend les familles, les petits et les grands. Je crois qu'on a une belle idée cadeau là. Voilà. On a une belle idée cadeau pour les auditeurs. Je confirme. C'est ça. Et l'autre, c'est Contine, Fable, BD, autre histoire pour transmettre. Et on retrouve encore trois écrivaines ou autrices jeunesse. Et on espère développer une fréquentation famille et petits, parce que la littérature, quelle que soit l'aire géographique, tous les genres doivent être représentés et malgré des réalités douloureuses en Afrique ou en Orient qui transparaissent dans les écrits, il n'en demeure pas moins que les contines sont toujours là depuis les grands-mères, les grands-mères et tout ça, et qu'il faut les perpétuer et les redonner. Et puis des histoires, il y en a plein, et des histoires aussi heureuses. La transmission, c'est très important, effectivement. Donc surtout si vous souhaitez vous déplacer, n'hésitez pas, si vous hésitez, si vous pensez peut-être qu'il n'y aura pas quelque chose pour les enfants, si il y a de la littérature jeunesse, elle est présente au Livre d'ailleurs cette année, il y a des événements, il y a des auteurs, il y a des conteurs, il y a des conteuses, des autrices, surtout, n'hésitez pas et venez, venez nombreux en famille au Livre d'ailleurs, donc pour découvrir cette culture, ces petites contines, ces petites fables. Avant de poser la dernière question à Ridouane Atif, j'en ai quand même une qui me vient un petit peu à l'esprit. Si vous deviez sélectionner 1, 2, peut-être 3 auteurs, autrices que vous souhaiteriez avoir au Livre d'ailleurs, est-ce que vous avez une idée de qui ce pourrait être un petit peu les invités de vos rêves? Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout? En dehors des invités. Oui, en dehors. Ou alors peut-être que si vous avez invité tous ceux que vous souhaitiez inviter, peut-être. Non, non. Pour moi, il y a. Donc, c'est une question qui m'étonne, mais elle est intéressante. Donc, il y en a un qui vient tout de suite, c'est Amin Malouf, parce que Amin Malouf représente toutes ces valeurs dont on parle et qu'on porte. Voilà. Sur la transmission et tout ça, j'ai un roman culte, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Martinez. Et ça permet de parler aussi de la transmission et tout ça. Et puis, je vais prendre un conte arabe. Et en fait, on va voir qu'il n'est pas si arabe que ça. Donc, c'est Kaleila Oudimna. Kaleila Oudimna, c'est un conte en fait qui a été repris par les Arabes, mais en fait, il vient des Iraniens, de la Perse. Mais la Perse, elle l'a prise des Indiens. Mais les Indiens, est-ce qu'ils l'ont prise ailleurs? C'est de quoi il s'agit? La Fontaine s'en est beaucoup inspirée pour les fables de La Fontaine. C'est les histoires entre animaux. Ça s'appelle Kaleila Oudimna et il y a des très beaux livres sur ça et on peut les raconter aux enfants. Je prendrai celui-là. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est les livres qui voyagent et c'est les peuples aussi qui se réapproprient des histoires qu'ont connues d'autres peuples. Et là, on revient sur ce que je dis souvent entre l'invariant et les particularismes. Donc l'invariant, on va prendre un lion qui agit mal dans une région et puis des animaux qui vont se rassembler pour voir comment ils vont lui parler pour remettre en cause son règne ou des choses comme ça. Et d'un autre côté, chaque peuple va l'habiller avec des référents qui sont propres à sa culture. Mais l'invariant reste le même, en fait. C'est une très belle sélection pour un potentiel livre d'ailleurs futur. En tout cas, moi j'aime beaucoup et je vois Gilles acquiescer de l'autre côté. Magnifique du... perspective, déjà. Belle programmation et un bel avenir. Un bel avenir, effectivement, effectivement. Alors, dernière question. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur, un petit incontournable de cette année, de la sélection à nous partager, une conférence, un, deux auteurs à ne surtout pas louper pour leur venue à Nancy pour cette édition du livre d'ailleurs, Ridouane, pour finir cette interview? En disant ça, vous me donnez une lourde responsabilité et je voudrais commettre d'injustice vis-à-vis de personne. C'est vrai, mais je reviendrai c'est vrai. À mon âme d'enfant et au plaisir qu'a eu ma petite fille à écouter ses comptines et je parlerai de ce livre où il y a les 10 comptines d'Astoudjop. Voilà, un vrai coup de cœur et un vrai cadeau à faire pour les petits. Et je suis sûr que les grands aussi pourront répéter les chansons, même si elles ne comprennent pas les paroles, elles sont expliquées en français. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre-là, les paroles sont dans la langue originelle et sont traduites aussi en français. Merci beaucoup, Ridouane Natif, pour nous avoir un petit peu éclairé sur donc cette nouvelle édition du livre d'ailleurs. Je rappelle donc 5e édition du 26 au 29 mars 2026 à l'hôtel de ville de Nancy. Vous pourrez rencontrer des auteurs africains venus du continent africain. N'hésitez surtout pas à vous y rendre. Il y a de très belles conférences, il y a de très belles dédicaces. Merci beaucoup. De toute manière, vous restez avec nous pour la fin de cette émission parce qu'on a envie d'entendre aussi vos petits coups de cœur culturels, Ridouane. Mais pour le moment, vous en avez l'habitude, comme chaque mois, je vais laisser la parole à Gilles et Jean-François pour l'agenda d'éclat de lumière. L'agenda local d'éclat de lumière. Alors Gilles, quoi de neuf ce mois-ci? Une actualité riche et des événements à venir. Alors tout d'abord, il y a quelques jours, le temps fort de Lumière en Art était la remise de la cérémonie des trophées de l'excellence culturelle. Mm-hmm. Donc en quelques mots, un grand moment avec de belles personnalités du monde artistique, culturel et des médias. Alors très vite, pour balayer un petit peu les nominés, les lauréats, la surprise de la soirée, c'est qu'effectivement, et il est parmi nous ce soir, coup de cœur, qui a un joli partenaire, Ridouane Natif, pour l'excellence de la manifestation Livre d'ailleurs. Mais je crois qu'avec tout ce qu'il a livré ce soir comme élément, chacun en sera convaincu. Cette belle manifestation s'est passée auprès d'un jeune chef talentueux, Lucas Gardon, pour le Petit Lu à Nancy. Une étape bistronomique avec une soirée conviviale superbe, voilà. Et puis pour la première fois, un coup de cœur avec Roland Gonzalez, c'est la première fois donc qu'on mettait en avant un sculpteur absolument incroyable qui fait des pièces, même y compris monumentales, pour il en a fait exposer pour différentes communes dans la région. Le coup de cœur a été pour les vitrines de Nancy. Au niveau de sa dynamique commerciale à l'extraordinaire président Sébastien Dujovitch, entre autres pour les fêtes de Saint-Nicolas et bien d'autres événements, qui a été plébiscité par le club et les lecteurs. Et puis, un petit événement original aussi pour la confiserie des Hauts-de-Vosges, pour artisans et savoir-faire de génération en génération, avec Jean-Marie Claude-Pierre, son PDG, à qui on aura l'occasion de remettre sur place, à plein fin, d'ici avril, son trophée. Et puis Ralph Benoît, grand photographe de talent, qui était agréablement surpris d'être parmi les nominés. Alors voilà pour un petit peu cet événement important de lumière. Tout à l'heure, Jean-François nous parlera de l'exposition phare de l'année Un océan de lumière, qui est jusqu'au 21 mars à la médiathèque de l'Axou. Et puis ça sera un mois très cinéma, puisque du 17 au 22 mars, il y aura Épinal fait son cinéma, donc qui est un bel événement 7e art. On vous laisse le découvrir sur les réseaux sociaux de Lumière en Art. Le cœur de la manifestation aura lieu au Ciné-Palace à Épinal. Il y a une fille en or qu'on a vue dans la sélection, l'Odyssée de Céleste, Elisa, etc. On ne va pas rentrer dans tous les détails parce que la programmation donc, est assez riche. Et puis ça s'enchaînera sur les rencontres du cinéma Gérardmer, donc début avril, Là, on sera sur les 28e rencontres, un événement incroyable avec une vingtaine de films, beaucoup d'avant-premières, beaucoup de réalisateurs donc présents et un événement vraiment cinéma autour de tout ça et Lumière en art suivra ça de très près. Sur l'avenir, on aura, et on n'en dira rien ce soir, un événement prix littéraire Frontières, dont on aura l'occasion de vous reparler longuement. C'est un bel événement en partenariat avec l'Université de Lorraine. Également, on participe à l'événement de l'année pour les symboles du 30e, on pourrait dire anniversaire, pour la Bergamote de Nancy, encore une petite note gourmande, avec des conférences, des expositions au Jardin Botanique, avec Minalis pour les parfums. Enfin, il y a beaucoup de choses incroyables qui seront faites autour de ça. Et puis, un moment très très important, la rencontre avec Tania Moureau, artiste qu'on ne présente plus, qui viendra des États-Unis à Nancy et qu'on aura l'occasion de rencontrer, et on verra qu'il y a une osmose entre la philosophie et l'art contemporain. Et puis, si je ne suis pas dans le secret des dieux, sans jeu de mots, mais normalement elle devrait venir présenter aussi une fresque assez monumentale et qui sera un grand événement artistique à Nancy. Voilà, je m'arrête là parce qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire et puis on se retrouvera en direct au niveau des loisirs de la foire attractive traditionnelle au cœur de Nancy début avril. Merci beaucoup Gilles et alors Jean-François, quelques petits mots donc sur cette belle exposition qui se tient donc un océan de lumière jusqu'au 21 mars à la médiathèque de l'Axou. C'est ça, c'est ça. Donc jusqu'au 21 mars, donc avec les heures d'ouverture quotidiennes à regarder. C'est l'exploration de la nature en photographie, donc les saisons, les éléments associés à notre patrimoine urbain. Alors là, le thème de l'exposition, c'est Nancy. Hein. Je suis natif de Nancy et donc je commence le travail par ma ville de cœur. Et il y a quand même d'autres ouvertures vers des civilisations ancestrales, voilà, des ouvertures qui ouvrent sur un océan de lumière à travers le monde. Et désormais, maintenant, j'accompagne un petit peu ces photographies composées avec des traits de peinture. Alors, avec des origines un petit peu, parfois certains diront aborigènes, d'autres plutôt indiennes. Donc voilà, je me fais un petit peu la main pour accompagner ces photos. Quatre saisons, donc beaucoup de couleurs. Au fil des saisons, on a des tonalités qui varient. Et voilà, donc je vous attends à la médiathèque de l'Axou, toutes les après-midi d'ouverture, certaines matinées. Un temps fort créatif, l'atelier. Un temps fort créatif samedi 14, donc un atelier où on va un petit peu... Alors là, on ne va pas découper de façon numérique, comme j'ai l'habitude de le faire, mais plutôt avec des ciseaux. Et ça change. Ah, oui. Il expérimente, Jean-François, C'est ça. Bah oui, je vais accompagner aussi bien des enfants que des adultes et puis on va s'amuser samedi après-midi à coller, enfin découper déjà dans un premier temps certains éléments de la ville de Nancy, d'autres éléments des quatre saisons et puis chacun pourra créer son paysage, son œuvre onirique et y rajouter aussi peut-être même une petite touche de peinture ou de crayon, on va voir en fonction du temps. Comment chacun va pouvoir réussir à développer ses œuvres. Et chers amis lecteurs et auditeurs, venez très nombreux le 21 mars, le dernier jour de l'expo, en après-midi, 14h-17h, pour un finissage très convivial. Ouais. À la médiathèque Charles Thirion de l'Axou, en Grand Nancy. Merci beaucoup messieurs pour cet agenda chargé pour Lumière en Art et pour l'émission Éclat de Lumière. On va rentrer dans la dernière partie de cette émission où je vais retrouver mon invité Ridouane pour qu'on évoque un petit peu ses coups de cœur. C'était la dernière partie de l'émission, c'est l'heure donc des coups de cœur de l'invité. Alors Ridouane, le principe, il est toujours le même d'émission en émission. Hein. Ce sont des questions donc tout simplement pour... à cerner un petit peu vos goûts d'un point de vue littéraire, musical ou autre. Alors, ma première question, elle est simple. Quelle est votre dernière lecture ou votre dernière lecture coup de cœur que vous avez eue? Je pense que vous avez dû en avoir quand même avec la préparation du livre d'ailleurs. La dernière lecture, c'est Le ciel carré de Mohamed Serifi Villard. Voilà, dans le cadre de du festival dont on a parlé tout à l'heure, effectivement. Voilà, sinon le dernier achat, c'est un livre qui a été écrit il y a quelques siècles, d'Ibn al-Haytham, en fait, qui est le précurseur de Robinson Crusoe. D'accord, ok. Alors ça, je ne connais pas du tout pour le coup, mais ça a l'air vraiment intéressant. Un roman graphique ou un manga ou une BD, alors ça, on en a un petit peu parlé aussi tout à l'heure déjà. Ouais. Donc, roman graphique, Gaspard Njok, par rapport au Voyage sans retour. Et puis, j'ai hâte d'avoir entre les mains le Au-delà l'exil, donc qui est son dernier roman graphique qui a été fait avec un anthropologue en Belgique, voilà. D'accord, ok. Donc, une nouvelle parution donc, pour le livre d'ailleurs. Alors ça, c'est intéressant pour le coup. Une exposition, un spectacle vivant que vous aimeriez recommander à nos auditeurs. Alors ça peut être à Nancy ou même plus loin. Hein. On a certains auditeurs parisiens. Voilà, donc alors, allez-y. J'étais vraiment touché par un spectacle vivant. Donc c'était au Théâtre de la Manufacture. Malheureusement, il a plus cours maintenant. Mais si vous avez l'occasion, ça s'appelle Khaldoun. Et Khaldoun, ça parle de l'emprisonnement des compagnons de Louise Michel, donc la commune, qui ont été emmenés en Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks qui étaient emprisonnés là-bas. Et les résistants algériens qui ont été aussi emmenés en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, toute cette pièce de théâtre a été traitée sur le mode musical. En D'accord. fait, avec beaucoup de musiciens sur scène et avec des décors somptueux, c'était féerique. C'était... Et malgré la difficulté du sujet qui est très dur, ils ont su apporter une légèreté. Et alors, petite question en plus, est-ce que c'est un projet éventuel d'associer peut-être un spectacle ou une exposition au livre d'ailleurs, que ce soit pour cette édition, pour les éditions à venir, peut-être même pour les éditions passées? Alors, vous faites bien de le dire, ça a toujours été le cas pour Livre d'ailleurs. Nous avons toujours fait des expositions. J'ai touché juste. La première, c'était 4 artistes africains. Et la deuxième, on avait travaillé avec l'un des plus grands calligraphes arabes, c'est un Syrien, Mounir Shahrani, et on avait exposé ses peintures au Centre culturel de Saint-Max, et on avait exposé au Palais du gouvernement les pochettes de certains livres qu'il a réalisés. Voilà, la troisième, on a fait Portrait d'Afrique avec Mustapha Boutagine. Ça, je me souviens, j'étais présent. L'année dernière, on a refait la calligraphie avec un jeune calligraphe marocain qui est ici sur Nancy. Et cette année, malheureusement, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de chance. On arrive à la période des élections. On ne peut pas être dans les grands salons pour le salon. On utilisait le rez-de-chaussée. Ah oui, d'accord, là, très bien, c'est une question logistique. Voilà. Là, on va être dans la salle Schaeffer et donc c'était pas trop possible pour nous de nous organiser en dernier recours parce que jusqu'à un certain moment, on pensait qu'on serait dans les salons. Mais promis juré, on récidivera l'année prochaine. L'année prochaine, voilà. Une nouvelle exposition pour le livre d'ailleurs, on espère. Voilà, donc on le fera parce que pour nous, ça permet d'associer les arts et puis ça permet aux gens qui viennent au livre d'ailleurs de pouvoir profiter d'une exposition et aussi de rapprocher un artiste du public. Le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma ou le dernier film que vous avez vu même chez vous dans votre salon Alors dans mon salon, parce que je sais qu'une de vos questions concerne ça, on parle de documentaires. Oui. Avec ma femme, on est des fervents partisans des documentaires d'Arte. Et donc on va en replay, on va beaucoup sur l'histoire et tout ça. Pourquoi ? Parce que, premièrement, on rentre et puis pour se reposer, autant de... plutôt que de prendre ce qu'il y a à la télé, on va choisir à la carte ce qu'on a envie de voir. Et donc, ça peut être de l'histoire, mais ça peut être de la géographie. Pour le film, malheureusement, je n'en ai pas vu dernièrement. Le dernier que j'ai vu et qui est magnifique, que je conseille, c'est Route 36. Et c'était au Festival du film arabe de Famec. Et ça parle du problème de la Palestine sous mandat britannique et au moment où des émigrés juifs d'Europe arrivent. Et donc, on voit Jaffa et on voit un certain nombre de choses qui sont là avec les trucs de résistance. Et c'est traité avec une grande, comment on va dire, distribution. C'est pas un petit film, donc avec beaucoup de figurants et tout ça. Voilà, et ça montrait une autre manière de voir l'histoire du problème israélo-palestinien. Est-ce que vous, c'est dans vos habitudes de regarder aussi des séries ? Parce qu'on a parlé documentaires, films, est-ce que vous avez une série à nous recommander ou pas du tout ? Alors les séries, en fait, la première fois que j'ai regardé une série, mais elle m'a scotché, je suis resté, j'ai fait toute la série, c'était au moment du Covid, comme beaucoup de gens, je pense. On n'avait pas trop le choix. Et celle-ci, je vous la conseille, elle s'appelle The Wire. Ah bah oui, The dire, Wire, ah oui, ouais, bien qui sûr. Qui veut dire l'écoute, et c'est, je trouve que c'est une fresque sociologique sur la société de Boston, sur le désœuvrement, sur la drogue, sur le crime organisé, sur les mœurs dans la police et tout ça. C'est extraordinaire. Voilà une des séries. Un grand classique à se faire ou à se refaire, parce que c'est vraiment une série exceptionnelle. Voilà, et j'ai arrêté de regarder les séries parce que c'est un attrape-nico. Dès que vous y mettez le doigt, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Donc voilà. Et c'est pourtant, il y a des séries qu'on me conseille, mais j'ai peur de remettre la main dedans. Quel est votre dernier coup de cœur musical ? Que ça peut être un morceau, un album ? Alors, mon coup de cœur musical, en fait, c'est... J'ai été un petit peu agréablement surpris par un duo lorrain. Et donc, on organise des concerts et on a organisé un concert le 4 décembre. Et c'est le duo Razvoknik avec Nicolas Arnaud, donc pianiste et accordéoniste, et Charlène Ploner, donc viol de gambe et contrebassistes, qui ont mis à leur goût à eux, au goût du jour, la musique des Balkans. Et c'est extraordinaire, et toute la salle Poirelle a vibré à l'unisson avec ces deux personnes. Elles dégagent une énergie extraordinaire. Merci beaucoup Ridwan pour ces quelques recommandations culturelles. Merci à vous. On arrive à la fin de cette émission, et oui déjà à la fin de cette heure passée ensemble pour parler culture dans l'émission Éclat de Lumière. Je vous remercie beaucoup pour cette émission littéraire. N'oubliez pas, je vous le redis, du 26 au 29 mars dans de nombreux lieux à Nancy et avec de nombreuses conférences, des dédicaces, etc. Pour découvrir la littérature et la culture africaine, c'est la 5e édition du livre d'ailleurs. Et pour cela, je remercie encore Ridwan. Merci Ridwan. Merci à vous. Merci également à Gilles et à Jean-François pour leur présence dans cette émission, pour avoir aussi annoncé avec toujours autant d'efficacité l'agenda du mois pour Lumière en Art et pour l'émission Éclat de Lumière. Je vous rappelle pour finir que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur Fadjet, sur les réseaux sociaux de Lumière, les deux pages Facebook, Lumière en Art et Lumière en Art officiel, Instagram et TikTok. Et après une émission pareille et toutes ces recommandations, plus d'excuses pour ne pas lire, n'oubliez pas. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, sortez, lisez, cultivez-vous. Et moi, je vous laisse avec un dernier morceau d'un album coup de cœur de ce début d'année. Il est passé à Nancy il y a peu de temps. C'est Sébastien Tellier avec son dernier album Kiss the Beast, avec sa chanson Refresh. On se retrouve le mois prochain. Ciao.